Ah oui, j'ai une panne de voiture. Il n'y a pas de mécanicien. Synthé en midi, hein. We'll be right back. We'll be right back. écouter. J'essaye, hein, moi aussi. Désolé, absent problème d'enregistrement. Ah merde. Putain, je m'entends même plus. Hein. Je vais prendre. Moi j'essaye les sons de basse maintenant, je suis casse-couille. Hein. C'est amplitude les sons de basse. Merde, basse. Thank you. Il y en a qui marchent pas, putain. Oh, c'est dommage, putain. Allez, il faut repartir. Cette basse. Je mets un ampeg et ça marche pas, putain. Pourquoi pas le son là? Il est allumé pourtant. Qu'est-ce que c'est ce bordel, putain? Il y a plein de sons qui marchent pas. Dès que je mets du ampeg, j'entends plus. C'est quoi ça? Déjà, y a pas de... C'est mon son normal, ça? êtes en train de foutre de ma gueule, les salauds. Tripote tout. Thank you. facile à gérer ce amplitude, tu sais, j'ai compris. Et les doigts de simulation. Mais putain, je le connais pas, hein, ce truc. C'est hyper sourd comme ça, tu vois. Ah bon, c'est pas mal. J'ai déjà trouvé dans la simulation qui me plaît. Ampeg SVT. Bon, par contre, les basses sont à fond, c'est pour ça. Ah ouais. De quoi c'est pourri? Je trouve...